Thank you. We'll be right back. les replays sur le www.fréquenceclub.com. RPL, c'est la base, mec. We'll be right back.

La première heure de Fréquence Club s'achève, restez calés, on va enchaîner avec une deuxième heure de mix. Bonne écoute. Después de que se hace la masita, que se aplasta. Después. Un momento, me voy a volar. Así. ¿Cómo se dice? Una vez ya comestible. Comestible. Se engrasa el sartén, se pone también mantequilla y se coloca ya pues, a fuego medio. La arepa. Aquí. Sí. Hola. c'est 7h-9h, le son qui vous va bien. RPL, dans toute la métropole lilloise. RPL.